éclats de verre. Visible Wind, Continue dans le feu d'artifice des nouveautés IQ. You're listening to Bonaparte, the progressive program in Lyon. Thank you. you're speaking to. Can you really put me down? Did all the things to say, what will happen in the meantime? Are you telling me the truth? Can you really put me down? Would you bother if you could? What will happen if you do? Thank you. Marie, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, c'est pas l'heure de Bonaparte, l'émission du rock progressif. Oh, mais oui, t'as raison, on est 15 jours aujourd'hui. Bah, on est dimanche. Ah, oui, c'est quelle heure? Bah, c'est 10 heures. Ah, oui. Et le bas, c'est quoi qui coule? Eh ben, c'est le bas. Bonaparte, l'émission du rock progressif, le 15 de chaque mois. On continue dans les nouveautés avec un pays très proche, vu que notre indicatif vient de ces pays-là, Pays-Bas, la Hollande, Egdonis, nouvel album de Killing Silence. Brume 78 89 45 05 78 89 45 05 I have never mind a baby, no. Number 8. Number 8.